L'époque ne me sied pas. Non, c'est pas mon temps, du coup je patiente ici. Le cannabis me va comme un gant. Je regarde passer ces gens, pressés pour être dans les temps. Ils oublient celui qu'il leur reste à prendre, quitte à se pendre. Je veux pas de cette vie d'astreinte, laissez-moi jeune sur mon papier vélin. À travers mes dessins, tu peux voir s'exprimer mon dédain. De cette époque où le crime est un chemin de moins en moins incertain, vu que certains s'y adonnent en masse et se retrouvent adulés des masses. Des perspectives plus classes, j'en ai annulé des masses. Mais moi je suis bien dans le bad, au fond de ma classe, j'ai du mal à voir mon avenir sans ça. Pourtant, ma vie est sans sas, depuis petit je galère pas des masses. Élevé par un père cadre et une mère infirmière, je comprends pas ce qui m'a fait faire cette chute amère quand j'ai vu qu'on était plus pour longtemps sur terre. Et cautionner cet enfer, je m'y refuserais ma vie entière. Mais la plupart de mes pères ne sont pas de cet avis. Ils me disent bien sûr qu'on est dirigé par des pourris, mais comment veux-tu sortir d'ici? Resserre-toi plutôt un whisky. Non, c'est trop facile, je prise les lignes, quitte la file pour maintenir la cardiographie. Vise l'exil dans mon bastion, camouflé sous carapace comme caméléon. Ma chambre crade, que des cendres froides, je rêve de bouger loin. J'aimerais changer de vie sans avoir peur demain. Quand le temps passe, les standards s'entassent. J'aimerais voir les gens en fin de s'enlacer. J'y réfléchis, rien à perdre, donc tout à prouver. Trop passif, on n'ose même plus se rapprocher. Du coup, tout passe, tu penses bien que c'est pas si simple. C'est comme vivre sa vie sans cesse au passé simple. Dans ma chambre froide, que des cendres froides, j'ai des rêves immenses. J'ai un tas de projets, des idées résistantes. Je suis une nature indécise, j'ai pas grand chose à dire. Toute cette vie, un périple métamorphose l'avenir. Yo. Puisqu'on doit tous au moins grandir, j'ai des questions existentielles. Si on va tous au paradis, y aura-t-il des guerres dans le ciel? Je comprends pas les hommes avides, tel un India dans la ville. Quand l'État envoie l'armée pour le maintien de la vie, perdus nous sommes souvent tout seuls, je ne sais plus quoi penser de bon quand notre avenir est insensé. Personne nous aide, on reste debout. La prod est faite maison, à base de fruits de saison. Comme toujours mon pote Tyrol envoie du steak à foison. Mec, y'a pas de raison d'arrêter ma moisson. Pour une fois que la feuille blanche n'agit pas sur moi comme un poison. J'ai plus de rimes en stock que Rocco en a dans le froc. L'égotype n'est pas mon fort mais ça va être ma stock. Excuse mon manque de finesse, je ne m'appelle pas Louis. Car à mes genoux foireux, sorti des abysses. Pousse-toi de mon chemin, le caméléon déboule. Je n'ai pas la prétention de déchaîner les foules. Quand je prends le microphone, sur le beat je déroule. Je fais mon autocritique, voici ce qui en découle. Mon style vestimentaire prise de calamité, mon coiffeur a été condamné à perpétuité. J'ai environ autant de succès auprès des nanas qu'un mec au dîner du crif qui chante chaud à nana. Pas la peine de me clasher car je t'ai pris de vitesse. Pour avancer dans la vie faut connaître ses faiblesses. J'en ai tellement que je ne sais par où commencer. Seuls connaissent le ridicule, ceux qui m'ont vu danser. Ça fait, je ne fais que m'enfoncer, ça me semble insensé. Un gosse qui a si peu de charisme va vite se ramasser. Le monde du hip-hop est une jungle, ce mec est un lapin qui voudrait acheter ses disques à part ses copains. Yao, sache que je m'en bats les steaks, je cours pas après le succès, les critiques m'atteignent pas, y'en faut plus pour me vexer. J'écris d'abord pour ma gueule et pour me libérer des tourments du quotidien que je ne peux digérer. Je pars dans des délires complètement incorrects. Je suis bon qu'à cracher mon venin, je n'ai pas l'âme d'un poète. Je suis le caméléon, le plus démarco de la terre. Si un jour je ferme ma gueule, j'aimerais bien qu'on m'enterre. Aussi que ce qu'une barrette servie à la cité. Je sors de chez moi qu'en cas d'extrême nécessité. L'air d'un faux samouraï avec mon bouc de chinois. Pantoufleur binoclard, j'ai des grosses têtes de renois. Je n'arrête jamais de parler, ça doit être agaçant. Mon humour particulier me vaut d'être embarrassant. Être plus porté que moi devrait être prohibé. Pas même honteux quand tous mes défauts sont exhibés. Yo, derrière mon masque se cache un homme enragé par les aléas de la vie et les choses qui m'ont ravagé. Mais je reste heureux malgré mes imperfections. J'essaye de tracer ma route sans trahir mes convictions. Yo, tu peux me surprendre léthargique sur mon canapé à enchaîner les casse-graines, les bidous et les tarpés. Je marche pas dessus des heures dans le foot et la NBA. Je me fous de passer pour un bof tant que le plaisir y est. Yo, je dédicace ces lignes à mes meilleurs potes et ma famille. Comment d'hab font-ils pour me supporter? Je vous souhaite bien du courage pour la suite. À votre place, il y a longtemps que j'aurais pris la fuite.